Quelle que soit sa nature, l'objet tombé du ciel s'est écrasé juste là derrière. J'ai entendu plusieurs explosions, comme des bangs soniques. Le seul indice que nous ayons est un son. Écoute, c'est DJ Phil. Mon Dieu. DJ Phil. House Dance Sensation. Quand je lui ai demandé de qui il avait si peur, il s'est borné à répéter un nom. DJ Phil. Votre prochaine mission a été validée. L'acceptez-vous? DJ Phil. Mix live. No stop partying. Are you ready? DJ Phil. Abdul, la paria, le blues, et les gens ont les boules. Le manque de flouze et de temps les saoule. Maintenant cool, quelques minutes sur ce style funky soul. Tranquille, je me balade dans la ville capitale. De Barbès aux abysses, des Champs-Élysées au Wall. Y'a des clodos sur les trottoirs et des soulards dans les bistrots. Des surveillants dans le métro qui jouent les Rambo. J'ai toujours un mec dans mon dos car je fais gaffe aux femmes. Je fais surtout attention au cœur car ils font mal leur cœur. Y'en a qui méritent des barres, tout comme mon estomac mérite. A chaque fois qu'ils s'excitent, vite ta mère qu'est-ce que c'est. Paria le blues. Thank you.

closer. Dance. Come on, baby, hold me tight. Come. I got the love in life, my darling. Dance. Why the feeling is so right. Thank you. coqueta, colegia la de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegia la de mi amor. Baila con la cumbia. Sigue bailando, sigue, sigue. the city, breaking the neck, the body shaking, and you're staying alive. Servez-vous des jeans pour le sentier de limonade. Alors qu'il y a eu la pluie ce soir, c'est organisé dans un esprit cool. Mais passe à pas vers là que tous tes problèmes se passent. Et de ce fait, de peu préoccuper le temps qui passe. Cette réunion d'année se poursuivra jusqu'à l'aurore. Le seul but à atteindre est que tu puisses bouger ton corps. Nous restons libres comme l'air à la cadence d'esprit. Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte. Laisse-toi verser par cette thérapie musicale. Oublie tes cœurs à l'extérieur, c'est bien le principal. J'estime que cette musique est vraiment à la hauteur. Amuse-toi à pousser là à sa juste valeur. De la chute de le terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi. Ce rythme de nos voix. Laisse-le vous guider tes pas. Lève les bras, balance-toi. Ce rythme de nos voix. Je ne pas le nord, clap sur la piste dans cet instant mieux leur corps. De parents à de bords, j'ai le mal de mer. Mais je me laisse tenter par le flot d'un dernier verre. Dès lors, je découvre l'évidence. Une plaisir musicale qui active tes sens. Sans excès, la soirée se déroule. Les bandits ce soir n'ont pas mis de cagoule. Le visage découvert, tout dans mon univers. La nuit est à son paroxysme pour nous tenter de faire. Je ne remarque rien d'étrange dans les comportements. Juste un excès de fantaisie dans les débranchements. La boule, la face est trop faite, l'image des gens qui font la fête. Oh, balance-toi, et jamais ne t'arrête. De la chute de terrain, suite à mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi. Ce rythme de nos voix. Balance-toi, laisse-le nous. Maximum. Ma voix est sans la musique comme une coulée de viande. Montons le volume car les présent tout semble parfait. Le contrat est rempli, nous sommes là pour faire bouger. La basse résonne sur des ombres de chiffon. Mets-toi à l'aise si tu t'as pas. Balance-toi, nous sommes là pour vous servir. Mais tout c'est pour ce pas pour le meilleur et pour le pire. Le moment est propice, attaquons la dernière danse. Au nom de tous les miens, je tire ma révérence. De la chute de le terrain, suite à un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi. Ce rythme de nos voix. Balance-toi, laisse-le vous guider tes pas. Lève les bras, balance-toi. Ce rythme de nos voix. Balance-toi, laisse-le vous guider tes pas. Balance-toi, laisse-le vous guider tes pas.